émission, seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Soprano. Et c'est déjà la dernière ici en direct du 118, ça va bien? Bienvenue à vous tous, bienvenue aussi à ceux qui nous écoutent, qui envoient des centaines, des milliers de messages avec le hashtag Soprano sur Skyrock. Cette semaine, on découvre l'album Cosmopolitani, l'album qui sort lundi dans les bacs, il est là, dans mes mains. Vous l'avez pas encore l'album? J'entends rien, vous l'avez? Ah, y a déjà, j'ai vu qu'on pouvait le trouver un peu partout, l'album de Sopra Cosmopolitani. Mais officiellement, la sortie, c'est lundi. En téléchargement légal aussi, l'album de Sopra, on va en parler dans quelques minutes. Et puis tous les soirs, vous le savez, il y a le petit jeu de la température. On va voir si vous êtes chaud, très chaud, froid, glacial, bouillant. Vous êtes bouillant? Alors DJ Mej, s'il te plaît, pour envoyer le son et pour prendre la température de la salle du 118... Veuillez acclamer pour son dernier Planète Rap ce soir, Monsieur Soprano, en live. 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Le 118, est-ce que pour la dernière vous êtes chaud ou pas? Je veux pour la dernière un gros bordel, tout le monde les bras à l'air. Comment faire la fête, qu'elle soit mère ou célibataire? Où sont les hommes, les gangsters, les pauvres ou les millionnaires? Les bobos, les mecs en survêt, les intellos, les mecs en fumette. Où sont les quartiers, les blocs, les HLM mis de côté? Les résidents des quartiers UP ou les 205, les OTTT? Où sont les blocs, les blancs, les jaunes, les verts, les rouges, les gris? Quoi des amalgames politiques, bienvenue en Cosmopolitanie. Oui, montre-moi comme tu es. Ce soir est un jour de paix. Ah, montre-moi. C'est la dernière, DJ Mej. Jeffrey, c'est bon ça. Je rentre dans le club, la classe de Brad Pitt, normal que ta femme bug. Je marche qu'avec les vrais, ouais, je marche qu'avec les bêtes. Y'a qu'à l'époque de Chris Rock, on va retourner la veste. Le DJ met mon son dans la boîte, c'est le buzz. Un mec veut faire du buzz, un mec veut se faire du buzz. Mais si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. Ma CQC, j'ai pété pour tailler ta gueule de bois. compare pas au reste. Non. Ils sont devenus célèbres comme la femme de Kanye West. Chez nous on fait des hits depuis l'époque de la Marelle. Oui je sais je vieillis pas, on l'appelle Sofra. Ouais, prêt pour Vargel, Stringer Bell. Quand tu prends le micro j'entends nous on brille, ça l'aide de EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Ponaret. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, dentine, on pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui reste. Si tu danses à la cartonne. On danse quoi? Danse à la cartonne. On danse quoi? Danse à la cartonne. On danse qui? Danse à la cartonne. Oh, on danse quoi? Danse à la cartonne. Ok, Jeffrey. Jeffrey. Jeffrey. Débarque dans le VIP, stylé comme Fresh Prince. Une arrivée royale comme Eddie Murphy dans le Queen. Tous les yeux sur ma sable, ouais. Tous les yeux sur ma sable. Toi t'es appelé comme sur Arte, donc on va tête de zap. J'entends des mecs qui clap, clap, clap, clap, clap. Allez les mecs qui prennent des clap, clap, clap, clap, clap. Envoyez à ma dernière snap, snap, snap, snap, snap. Mes femmes, je suis marié. Pas de snap, snap, snap, snap. Visio, les mecs sont des mythos. J'ai plein de cousins depuis que je vois des fonds à l'air du resto. Il est trop tôt pour aller au Hilton. Laisse-moi danser à la carte. On y va. On rentre dans les clubs habillés comme des princes. Fraîche, fraîche, fraîche, chantine, on pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui reste. Si tu danses à la cartonne. On danse quoi? Danse à la cartonne. On danse quoi? Danse à la cartonne. On danse qui? Danse à la cartonne. On danse qui? Danse à la cartonne. Jeffrey. Oh, Jeffrey. Jeffrey. Ce soir ou pas? Est-ce que ce côté-là est chaud ce soir ou pas? Est-ce que Fredo est chaud pour vous ce soir ou pas? Fredo, au milieu, viens. Mets en ligne. Nous on veut que tu danses. Mets en ligne. Que tu danses à la Carlton. Danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Fais du bruit pour Fredo. S'il vous plaît. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien tous. Est-ce que ça va ou pas? Yeah. Yeah. C'est lundi dans le merci, c'est le dernier jour et je vois que vous êtes déjà chaud, chaud, bouillant. Merci beaucoup. Mamma mia. À l'instant, carrément double, double titre. Le morceau, ça essouffle cette danse à la Carlton. Le morceau Fresh Prince à l'instant. Et pour débuter Cosmo, j'en suis essoufflé, Sopra. Même moi, j'ai perdu mes textes et tout. Qu'est-ce que tu as vu? Ouh. Ah, tu as été cosmopolitanisé. J'ai été cosmopolitanisé par une jeune fille qui est là au premier rang, que je salue. Avec son regard, comme quoi j'aime tout le monde regarder avec son maillot marseillais. Ah, mais ça, c'est les vrais supporters depuis longtemps, ils sont là et tout. Toute la première ligne des jeunes, là, ils sont là. Ah, bah, franchement, ça tue. Tout va bien pour cette dernière, Sopra? Ça va, regarde, je viens de. Juste avant de rentrer, c'est pour ça qu'on a enchaîné avec Carlton. On vient de voir le clip là. Le clip, il est dispo ou pas il le est dispo là, ouais, c'est un truc de ouf. C'est un clip de grand malade. Ouais, tu t'éclates de rire, franchement. Tiens, d'ailleurs, on va saluer un des participants du clip qui nous a tweeté hier qui s'appelle Monsieur Youssoufa. Oui, Monsieur Youssoufa, oui. Mais, qui est très jaloux de ne pas être là, mais. Mais on l'attend. Je lui ai dit de passer, mais bon, il est au studio. Mais je lui ai dit de passer qu'il voit l'ambiance pour son prochain Planète Rap. Parce que son album, c'est pas maintenant comme il le dit. Mais c'est pour bientôt, j'espère. C'est pour bientôt. Donc voilà, une grosse dédicace à lui, une grosse dédicace à DC's aussi. Ouais, DC's, Mokobé, voilà. Cyril Mokobé, Hanouna aussi, voilà. Qui est présent dans le clip. Et la grande star de ce clip, bien sûr, monsieur DJ Housni, Only Pro, qui nous a joué un Carlton extraordinaire. Donc voilà, une grosse dédicace à lui et à lui, à toute l'équipe de HK, Vince, Valentin, il y a tellement de monde à remercier, à tous ceux qui sont passés au clip. Voilà. Et puis, on que le fil. Oncle Phil. Inimitable. Inimitable, monsieur DJ. Oncle Phil, ça y est, c'est ma fatigue. Ouais, monsieur Oncle Phil, monsieur Vincenzo. Yes. Avec nous ce soir, on va saluer Mège qu'on a entendu qui est au platine depuis le début de semaine. Il y a Zach qui est là aussi. D'ailleurs, petit bonjour Frédéric. Tu vas en faire un morceau un jour, hein? Tu sais que tu vas en faire un morceau un jour. Bon bah bienvenue à vous tous, en tout cas les nombreux messages aussi avec le hashtag Soprano sur Skyrock. Vous balancez ce soir encore, on découvre cet album, hein. Ça y est, j'ai envie de dire pratiquement dans les bacs. Ouais, il y a, comment ça s'appelle, il y a quelques magasins qui l'ont déjà mis. Bah oui, parce que tout le monde dit, oh, je veux l'album. Donc, il y a une version aussi collector hein, de cet album avec peut-être les photos des gens qui sont là aussi. Yes. Peut-être. Ah, bah, il y en a qui, tu t'es reconnu dedans? Ah ouais, il y en a qui se sont reconnus dedans. Qui sont dans la Cosmosaïque. Ouais, dans la Cosmosaïque. Ouais, il y a du monde dessus. Il y a aussi, je crois qu'il y a Spotify qui ont mis 7 morceaux aussi. Ouais, il y a Préface, il y a Clown, il y a Tiamo, il y a Mélancolie, il y a Cosmo, Ils nous connaissent pas et Fresh Prince. C'est les morceaux, en fait, quand on télécharge aussi l'album, quand on le précommande, on a direct ces morceaux. Voilà, c'est ça. Allez-y, allez cliquer. Vous l'avez l'album ou pas? Attends, on va faire un petit test, savoir si... Ah, certains. Ah, il y a des gens que je connais qui sont là. Ouais, mais ils l'ont téléchargé ou... Non, j'ai pas demandé si vous aviez l'écharpe ridicule de Soprano avec l'OM, mais... Oh, jalousie. Jalousie. Où sont mes supporters parisiens? Je tenais à rappeler le titre de mon album. Je crois que Fred n'a pas compris. Oui, c'est quoi? Cosmopolitanie. Ça veut dire on Paris, est tous ensemble. Ne commence pas à diviser comme font certains politiques, s'il te plaît. D'accord. Voilà, en tout cas, la Cosmopolitanie, elle est là tous les soirs et merci. Merci d'être là ici au 118, d'être nombreux, d'être venus, et puis tous ceux qui nous écoutent aussi un peu partout dans toute la France avec le hashtag Soprano sur Skyrock. Yes, si merci pour les messages. Hier soir, c'était une grosse soirée. Hein, les psychiatres étaient là. C'était très très gros. D'ailleurs, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir dans l'émission, si tu veux bien. Vas-y. Allez, c'est parti. Skyrock, remonte le temps. C'était toute cette semaine dans Planète Rap. C'est parti pour le Planète Rap Soprano. Planète Rap. En live dans une salle de concert. Ça va bien tout le monde? DJ Mage est au platine. Voici pour débuter en live Soprano avec Cosmo. Montre-moi comme tu es. Ce soir. Il paraît que t'as déjà prévu la sortie du prochain album en 2015 qui devrait s'appeler L'Everest. C'est vrai? Ouais, j'ai fait 6 morceaux déjà. Ah, le mec perd pas de... Ouais, on a fait. Et tu vas nous le faire maintenant en live. Ah, putain. Est-ce que tu es prêt? C'est l'heure du live dans Planète Rap. Pour toute la jeunesse de Sky, on le fait. Pour l'étranger enfermé, on le fait. Ma vue. Pour l'étranger enfermé, on le fait. La famille, j'ai compris. Planète Rap. C'est fait. Yes, on rentre dans les clubs, habillés comme des princes, fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui reste. Si tu danses à la Garden, on danse quoi? On danse quoi? On danse comment? De qui? Jeffrey. C'est tout, Jeffrey. Ah ouais, Jeffrey. Oh oui, Jeffrey. Ramène-nous des glaçons. Faites un maximum de bordel pour Miss Kaina Samé. Bonsoir tout le monde. Planet Rap. Ne m'appelle pas, je suis pas là, la la la la la la. Je suis à Planet Rap, je suis avec Sopra. Bah ouais, le balade, c'est là. Oh, c'est un remix sur le son de Kaina. Est-ce que vous êtes vraiment, vraiment là? Sopra Baba, toujours en train d'improviser. Donner un peu de force à tous les mecs aiguisés. Le flow est stylé, trop de mecs essayent de venir m'épiler. Ok. Planète Rap, j'ai besoin que vous fassiez un gros, gros, gros bordel pour ceux qui me donnent la force depuis le début. Ma psychiatre de la Rémière. Eh oui, ils sont là ce soir. Mais sont enfants, hey, famille. La belle ville quoi? La belle ville quoi? La belle ville quoi? Hey, on en a bu tous pas. Et on s'en bat les couilles, on va à Maranello. Le Saint-Saint-Marie, cheval cabré sous le capot. On a les pneus neufs, on bombarde jusqu'à la cour de 200 au sourire. Permis bien des commandes. Comme d'hab. Je m'en tape. Bang et meuf, tank et voilà, comme d'hab. On n'encule pas les zéros cul ou on stop. On n'encule pas les zéros cul ou on stop. Planète à l'ancienne. Je suis dans le sud pareil que Sakaya Auxerre. T'as effrité ton shit sur mon CD. Tu te la pètes parce que ton mec est taillé comme une armoire. On s'en bat les couilles. On a l'habitude de déplacer des meubles avec les douilles. La musique de Dark Vador en Afrique a rendu que des faibles parmi vous. La Sephore est avec nous. Si t'es jaloux, y'a rien à faire. Oh, y'a rien à faire. Non, non. Oh, y'a rien à faire. Oh, y'a rien à faire. 94 Aga, on va tout briser, poto c'est la pagaille. J'suis une machine, pas besoin de taga. Tu vas vite abandonner la bataille, Makai, les M6 sont pas taille. Comme Sarko, on veut que l'oseille, on veut pas être Arco. Défie-toi de l'eau qui dort, on va noyer. On a mis le rap street, ça fait pas ton loyer. Est-ce que vous voyez, on va vous nettoyer. On a les crocs comme les darbles au foyer. J'suis un génie, demande à R. J'dégaine mon flow, tout le monde à terre. Si tu réussis, les gens diront que t'es un vendu, vendu. Toi-même t'es choqué du freestyle que j'ai pondu, pondu. R.A.M. apostrophe S. R.A.M. apostrophe S. R.A.M. apostrophe S. Dab. R.A.M. apostrophe S. Comme Dab. Skyrock. Belle chemise à la Biggie. Les danseurs ils sont de chez Fab Barbershop. Les danseurs ils sont où? Oui, venez. Les gigoteurs aiment les gigoteurs. Venez les danseurs. Est-ce qu'au 18 y'a du monde ce soir? Jamal de Blue c'est 4-4. Ok. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Et on danse à la carte. On rentre dans le club habillé. Non, non. Fraîche, fraîche, fraîche, on dit nous on pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui reste. Si tu danses à la Carlton. Vas-y. Danse à la Carlton. Vas-y. Danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Yeah. Oh putain. Danse à la Carlton. Jeffrey, tout le monde. On dit ce plein de rêves. Des kilotons. Des kilotons. Tu cours devant des cauchemars. Tu dessous. Sous. Sors la chance du placard. Yeah, jeune entrepreneur. Hey. Oui, je fais des billets. Dis-moi en quel honneur tu me dévises. Tu peux m'expulser. Hey. On prend le beurre. On prend le beurre. On l'a pas volé. Demain, j'épouse la crémière. Planète rap. C'est Skyrock et c'est Planète Rap ici en direct du 118, toujours en live. Et on a fait un replay, non pas d'hier seulement, mais de toute la semaine, puisqu'on est vendredi déjà, et comme la semaine passe vite, j'avais carrément oublié que c'était le replay de la semaine. En tout cas, on a passé une super semaine. Hein. Ah, vous aussi, vous avez passé une bonne semaine. Ah, c'est cool. Franchement, c'est cool. Eh bah, dites-nous aussi, vous qui nous écoutez dans la France entière avec le hashtag Soprano sur Skyrock, allez-y, l'album sort lundi dans les bacs, on va continuer à le découvrir. Mais juste avant, on a un petit coup de fil à passer à quelqu'un que tu apprécies énormément. Ah oui, qui a travaillé sur mon disque. Ouais. Qui a travaillé sur Cosmo. Elle est où? Tu sais où elle est ou... Là, elle est à Cannes en train de travailler un gros, gros, gros projet. Mais ça, c'est la surprise. Mais elle est en train de travailler ce gros, gros projet. Est-ce que vous connaissez Zao? Faites du bruit pour Zao qui vous entend en ce moment. Ça va bien, Zao? Quel accueil! Non, mais Fred, c'est comme ça qui. C'est... Là, je te respecte, tu vois. Là, t'as pas besoin de cravate quand tu m'accueilles comme ça. À la bien. Et encore, là, et, encore bien. Et encore, je crois que tu ne m'as pas vu danser, Zao. Oh, tu l'aurais vu danser à la Carlton. Oh, le Z, je te jure. Filmez-le, s'il vous plaît. Filmez-le. Bon, en même temps, on a fait un Vine et tout. Tellement. En même temps, sans balancer certains dossiers, Zao m'a déjà vu danser. Dans des endroits, je ne pourrais pas citer où. Mais je dirais même, je l'ai vu zouker. Ah, aïe, aïe, aïe. Alors, je t'explique. Je te jure, premier jour, il a fait carrément, il a dansé. Au début, il commençait à vouloir faire le mec qui danse un peu parce que tu as vu, il fait ses émissions de break là. Il croyait qu'il était comme les mecs, mais à un moment donné, il a fait un striptease. J'ai pas compris. Hein? J'ai dit, mon public, il est jeune aussi. Tu vois ce que je veux dire? Respecte le mec. Là, là. Mais c'est j'aurais trop dû quoi. Venir. Bah oui, alors tu es où? Oh là là. Tu es où, Zao? Tu es où? Tu es où? Je suis à Cannes, je suis avec DJ Silvio. DJ Shred, DJ Rod, DJ Dove, tout le monde. Non, mais ça, j'ai des petites dédicaces entre nous. Voilà, je leur fais des gros bisous. Et voilà, je bosse sur un projet qui va bientôt sortir. Donc, la semaine prochaine, où j'étais en sous-marin tout ce temps-là, je n'ai rien dit et vous en saurez plus la semaine prochaine. Bah, dès la semaine prochaine. Ouais, un projet où je vais revenir vous faire peur un petit peu, où je peux pas en dire plus, mais en tout cas, c'est nouveau, c'est frais, c'est bon, c'est gros, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Et tu vas pas me voir faire un striptease, malheureusement, pour toi, Fred. Non, mais laisse-le loin, il est fou ce mec. Mais en tout cas, Zao, alors on reparlera de ce projet dans les jours qui viennent. Un petit mot quand même sur Soprano, et, parce que c'est un moment en même temps que vous connaissez tous les deux. Ouais, bien sûr, c'est une longue histoire. Bien sûr, on se connaît depuis, je dirais, 10 ans, un truc comme ça. À Montréal, la première fois que je l'ai vu, il était dans un coin, il faisait, je pense, moins 20, il avait pas compris que c'est pas Marseille. Il est venu avec une petite veste, un teddy, il a pas compris. Ah, oui. En fait, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, mais j'étais traumatisé, je viens de Marseille, t'imagines? Et tu te retrouves en plus c'était quoi? En plus, l'hiver canadien ou... Ah, c'était du n'importe quoi. Ah ouais, donc... Et ça a connecté entre vous deux très vite. Ben oui, puisqu'il est, il est sur l'album d'Ima, et depuis, ouais. on se voit tout le temps. On a fait aussi, j'ai apparu sur l'album des psychiatres, que j'embrasse, et une grosse dédicace. Une grosse dédicace pour les psychiatres. Et d'ailleurs, ici, sachez-le, avec des potes ici à Cannes, on se met à fond, on a bu 6 packs, même si c'est pas très... 6 packs, mais il faut aller jusqu'à 12 surtout, Zawa. Ouais, ou 24, ça dépend de ta résistance, tu vois. et voilà, et puis donc Sopra m'a appelé un jour en me disant, écoute, j'ai un morceau... J'aimerais un peu ta patte, et du coup j'ai fait un truc au téléphone. Il m'a dit c'est ça, et j'ai dit t'es sûr, j'ai pas encore tu vois. C'était quel morceau? Je te promets, c'était Cosmo. Bah, c'était le Cosmo. Cosmo, ouais. Exactement. Et j'étais très très fière d'ailleurs, et très ravie de participer au projet, même si pour moi voilà j'étais à distance, etc. Mais c'est, voilà, ça me fait chaud au cœur que un artiste comme Soprano, voilà, fasse appel à moi et me fasse confiance, et se diversifie ou s'ouvre quand même, parce que les gens croient que les rappeurs sont fermés d'esprit, pas du tout. On est là pour kiffer, on est là pour se partager nos vibes. Et d'ailleurs, peut-être que Sopra participera aussi à des choses par rapport à moi, et même pour ne pas dire peut-être, très probablement. Faut pas tout dire. D'accord, on a écouté, il y a un peu de monde ici. Ah non, il y a plus personne, tu peux y aller, il y a plus personne. Il y a plus personne, non. C'est bon. Ils sont partis. Non, en tout cas, ça fait super plaisir. Parce qu'en fait, tu vois. C'est quoi le rôle de Zao sur Cosmo? J'ai fait Cosmo, on a travaillé l'instru, on a commencé à faire les couplets, on imaginait pour que ce soit une intro de concert et tout ça. Et plus je faisais le truc, je commençais à faire un peu le refrain, ça me plaisait pas trop. Après j'ai dit, il me faut quelqu'un qui a des mélodies de fou pour essayer que ce soit un truc différent. Et c'est vrai que souvent les Ricains ils font ça, Michael Jackson il fait ça, tout le monde il fait ça. Je me suis dit, je vais travailler comme ça. J'ai envoyé le son à Zao. Et d'un coup il me fait au téléphone, nanana. Et elle est comme ça, tranquille, elle me dit, ouais, mais c'est fait à l'arrache. J'ai dit, mais à l'arrache? J'ai Fada ou quoi? Je prends ça direct. On a écrit le refrain de suite, je lui ai envoyé. Elle m'a dit, oh, ça déchire. Et tout, j'ai dit, oui, je t'ai dit que ton truc ça tue. Attends, tu m'en veux pas, Sopra? Tu peux nous le faire par téléphone là comme tu l'as fait à Sopra, Zao? J'ai fait, mais c'était du yaourt. On va voir si le public t'accompagne aussi. When you can get away, every time you spend a night, every time get some day, you don't know me, it's alright. C'était un peu ça, voilà. C'était ça, tout ça. Et voilà comment on est un morceau, bravo. Exactement. Et voilà. Comme je le dis, cet album c'est vraiment le partage, tu vois. Je voulais vraiment que le titre de l'album corresponde même à comment j'ai travaillé l'album, même les choix des morceaux, je les ai calculés comme ça. Et ça fait partie du truc. Et Zao, elle est talentueuse de malade, tu vois. Même l'esprit du coup, Fresh Prince, c'est ça. C'est pour ça qu'on a invité les gens, c'est pour qu'il y a Mokobé, G6 qui joue, qui donne la réplique à Sopra, c'est pour ça, c'est pour mélanger les univers des artistes. Et puis montrer aussi, c'est vrai, parce montrer qu'il n'y a pas de problème. Voilà, on tape souvent dans le rap et parfois. On se mélange et que ça donne pas forcément des bonnes choses. À tort, on est ensemble. Voilà. Y a aussi un côté où ça avance ensemble, où ça fait exactement. Des choses ensemble. Voilà. Les Ricains, ils l'ont compris depuis longtemps, tu vois. Donc, voilà. Les artistes qui ont une vibe positive comme ça, moi, souvent, je les appelle pour venir dans mes clips ou sinon carrément dans les morceaux. Ça fait toujours plaisir de voir plusieurs artistes qu'on a. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand Sopra m'a dit, tu peux me faire une petite vidéo pour un clip comme ça vite fait. Moi, j'étais en week-end avec des copines à New York et j'ai dit, mais t'es sérieux? Il me dit, avec ton portable comme ça. Et je me suis retrouvée en plein milieu de New York, les gens me regardaient comme une folle. Ils disaient, c'est qui cette folle qui saute partout? Et j'en avais rien à foutre. Tu sais que dans la vidéo, on t'entend quand tu dis ça. À un moment, elle se filme comme ça, elle fait le refrain et d'un coup, tu entends. Putain, c'est parce que je t'aime bien, Sopra, parce que sinon, oh là là, les gens me regardent quand même. C'est vrai. Et j'étais mort de rire. Non, en tout cas, merci beaucoup. Et Zao, tu sais ce qui stresse. Tu sais, pardon, ce qui stresse. Oh là. Tu sais ce qu'il te reste. Petit bug. C'est vendredi. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Ce soir, peut-être un autre morceau, peut-être un autre yaourt, peut-être une vidéo. N'hésite pas. En tout cas, on peut applaudir Zao d'avoir été avec nous ce soir par téléphone. Merci. Et on te donne la force parce que je sais que le projet que tu es en train de faire, il est très, très gros. Et on attend d'avoir plus d'infos la semaine prochaine alors. Voilà. Yes, ça marche. Bah, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous aime. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Yes. On fait des gros bisous tout à tout le monde. A dit nous aussi, Zonji. Zonji, nous aussi. Cool. Yes. Bisous, Zao. Bisous, ciao ciao. Ciao ciao, on va revenir dans un instant, on est déjà super à la bourre. On met quoi? On met Luna juste après la pub, comme ça. Ah. Bah attends, attends, on vient de m'envoyer une vidéo, ils sont en train de regarder. Ah, eh ben regarde. Oh, elle est en train de regarder l'émission, tu as c'est vu les petits bouts de choux. Vous pouvez pas voir, je peux pas mettre les... C'est elle est en train de regarder. Sopra qui sont en train de regarder l'émission, parce qu'on peut nous suivre évidemment sur Skyrock FM sur l'appli. Je viens de recevoir une vidéo. Donc c'est Luna. Ça c'est Luna. Donc c'est Luna. On va lui faire une grosse dédicace maintenant là. T'as vu la vidéo? Et après Dodo. Voilà, parce que c'est un gros voyou. Hein. Il faut ouais, le. C'est faut le tag de la maison. Tiens, regarde là. Donc Luna, une grosse dédicace à toi maintenant. Une grosse dédicace à ton frère et à ta sœur. Et à tous ceux qui ont des enfants et ceux qui savent que la famille c'est tout. Le reste c'est rien. La famille c'est tout. La famille, c'est tout. Ah, ils ont compris. Donc voilà, c'est bien. Et après, Dodo. Dodo. Après le morceau, non? Je te dis, elle va te mettre un coup de tête. Ah, ok, bah, non, c'est bon. Dangereux. Donc juste après la pub, on revient. On saluera aussi, regarde, il y a des gens qui sont en train de jouer la Drive Club au jeu. Il y a deux équipes qui sont en train de s'affronter. On ira leur faire un coucou. Vos questions aussi à Sopra dans quelques minutes. Une invitée aussi dans quelques minutes. Le programme est chargé. Oui. Ah, ouais. Autant vous dire qu'il va falloir qu'on trace un petit peu de pub et on revient juste après ça. Comme toi, Soprano a choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Mon petit zèbre est un voyou, elle ne suit aucun troupeau. Elle sait comment te rendre fou quand ses caprices te prennent au mot. Elle réveille le Hulk en moi que j'ai su canaliser. Quand elle devient à la maison un éléphant dans un musée. Mais pourtant, c'est fou comme elle est belle. Elle m'est tombée du ciel. Ses joues au bout de miel ont transformé mes lèvres en milliers d'abeilles. C'est fou comme elle est belle. Je remercie le ciel. Comment lui dire non quand elle me dit papa je t'aime. Luna, j'ai toujours rêvé de toucher la lune. Ta mère me l'a décroché dès la Luna. Ce soir Pierrot m'a prêté sa plume. Pour toi, ma loup. Mon petit zèbre est un shérif. Elle fait la loi dans mon foyer. À elle tout seule c'est une manif. Quand elle n'aime pas le dîner, elle se pavane comme un bandit. Elle raquette ses frères et sœurs. Elle n'a que 2 ans et demi. Et c'est déjà une terreur. Pourtant, c'est fou comme elle est belle. Elle m'est tombée du ciel. Ses joues au goût de miel ont transformé mes lèvres en milliers d'abeilles. C'est fou comme elle est belle. Je remercie le ciel. Comment lui dire non quand elle me dit papa je t'aime. Luna, j'ai toujours rêvé de toucher la lune. Ta mère me l'a décroché dès la Luna. Ce soir Pierrot m'a prêté sa plume. Pour toi, ma Luna. Mon dernier petit zèbre, mon dernier mini-moi. Laisse-moi poser mes lèvres sur ton joli minois. T'es plongé dans tes rêves, normal il est minuit. Et moi comme tous les soirs, je suis immobile devant ton lit. À bloquer sur tous tes petits doigts. À ranger toutes tes petites peluches autour de toi. Et à me demander si tu n'as pas froid dans tes draps. Puis à réaliser que je suis papa pour la troisième fois. Oui je t'ai appelé Luna, en hommage à Psychiatre. Notre deuxième album s'appelait Hiro de la Luna. Aussi pour Comoria, tu iras être ces quatre. On te dira que Comora en arabe veut dire Luna. Mais aussi pour ma foi, car dans ma religion, tu verras que tout tourne autour de la Luna. Ton pouce dans la bouche, t'es vraiment une beauté. Je vois que tu bouges ma fille, t'es réveillée. Papa, oui, chérie. Papa, fais dodo. Papa, oui rentre-toi ma chérie. Tu vas réveiller les autres. Papa. Rattends-toi, ma chérie. Papa. Papa. Oh. Luna, j'ai toujours rêvé de toucher la lune. Ta mère me l'a décroché dès la Luna. Ce soir, Pierrot m'a prêté sa plume. Pour toi, ma Luna. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap en public avec ce morceau qui s'appelle Luna. Ça vous a plu? Ouais. Bonne nouvelle, c'est sur l'album. Yes. Et ça y est, tu as fait la trilogie des morceaux. Ah ouais, j'ai fait Naya, j'ai fait Accroche-toi à mes ailes, mais non, c'était Luna, hein, j'étais obligé. Obligatoire. Hein. Mais après elle, c'est le voyou de la maison. La grande, c'est la maligne. Mmh. Le grand, c'est le footballeur gentil musclé. Ah mais musclé, attends, mais il ouais, va dépasser la... en muscle. Hein. Ouais, pas, c'est pas, il tient pas ça de moi, ça c'est sûr. Et la dernière, c'est voilà, c'est le voyou, ouais, c'est le voyou de la maison, voilà. Et bon, on lui fait un bisou, on fait un bisou à tous les trois d'ailleurs qui sont à l'écoute merci. En ce moment. Et aussi à Malik. Faites du bruit pour les enfants de Sopra qui vous écoutent. Ah, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est pour vous les enfants. Malik, allez, on pense à toi. Dodo. Yes. Allez hop, dodo à la maison, c'est parti. Ouais. Nous on continue avec Papounet pendant quelques minutes ouais, encore. Les deux autres ils vont grandir, mais Luna, ils vont dormir, mais Luna, je suis pas sûr. Vas-y, bon. On continue, vas-y. Sopra avec nous dans un instant, une invitée qu'on va vous présenter, le freestyle aussi, non pas par téléphone, mais sur la scène du 118. Et là, je vais me rendre dans le public maintenant pour poser les fameuses questions du public. Yes. 1, 2, 3, est-ce qu'on m'entend? Ça marche. On va faire un tour aussi du côté de nos amis qui sont en train de jouer à Drive Club en ce moment. Il y a un tournoi qui se passe là. Ça va bien, les gars? Ça va, tout se passe bien. Il y a une équipe avec Victor, Swan, Brian, Jonathan, Andy, Majid. Qui gagne pour l'instant? C'est quelle équipe? C'est ton équipe? Ah, avec un supporter parisien qui est en train de gagner. Normal. Ouais, voilà. Non. Normal. On est cool aujourd'hui. Tranquille. Et bah continuez. Drive Club, c'est le jeu qu'on va vous filer dans un instant sur PS4. Tranquille, on est premier de la ligue. Tranquille. Pardon, je sais pas, j'entends plus. Je suis dans le public, je t'entends pas, Sopra. J'ai un problème de retour quand tu parles. Ça m'étonne pas de toi. C'est bizarre. Et là, une petite question pour toi, c'est Nazib de Pierre Vite. Ça va bien, Nazib? Salut, Nazib. Ça va, cool, Sopra? Ouais. Alors, on t'écoute, tiens, Sopra, regarde-le bien en face, pose-lui ta question. Je suis là, mon frère. Pourquoi as-tu choisi d'appeler le futur Taina Mr. and Mrs. Smith? C'est par rapport au film ou pas, en fait? Ouais, c'est par rapport au film. Alors, petit clin d'œil au film, ouais. C'est par rapport au film, et c'est surtout par rapport à la scène, tu as vu, où ils sont dans la maison, où ils se battent, l'autre qui commence à sortir les armes, l'autre de l'autre côté. Et je me suis dit que souvent, tu vois, les couples en général, comme je dis dans le morceau, on ne se comprend pas. L'autre, elle commence, quand elle dit bleu, l'autre il dit rouge, l'autre il dit vert, bleu marine. Donc c'était une chanson pour faire une dédicace, voilà. Voilà. Eh ben merci Nazim, on peut applaudir Nazim qui était là avec nous. Yes. Et à mes côtés, Anaïs, petite question Anaïs, tu viens d'où? De Lille. De Lille, le Nord. Le yes, Nord représente. Lille. Il y a des nordistes avec nous. Ils sont là. Ils sont là, les nordistes. Alors, yep. Petite question. Alors, salut Sopra. Salut. Quel est le cadeau le plus flippant que tu aies reçu d'une fan ou d'un fan? Flippant. Ah. Le truc. C'est une bonne question, je trouve. J'ai eu un tableau avec une sorte de squelette en peint en blanc. Je sais pas si tu te rappelles celui-là. Je crois que ma femme, elle voulait pas que ça rentre à la maison. Parce que c'était un peu bizarre, tu as vu. C'était juste un petit cadre avec une petite tête blanche, un peu un petit masque blanc et tout. Ça, j'avoue, ça c'était. Mais sinon, j'ai reçu une fois une guitare. Elle était magnifique, tu vois. Ils m'ont fait des trucs de malade. Anaïs, tu es venu avec un cadeau? C'est pour ça que t'as pas de cadeau flippant, non? C'est bon? Ah si, tiens, regarde un cadeau flippant pour ce soir, j'en ai un. Merci, oh, regarde merde. Moi j'en oh, ai un merde. Cadeau flippant. Oh merde. Oh merde. C'est une écharpe. Merci Jamali. C'est une écharpe magnifique. Ma CQCGP pour tailler ta gueule de bois. Mais pourquoi est-ce qu'on me rejette? Je comprends pas. Je venais tranquillement. Chut. Merci. Attendez, Jamali. Ne bougez pas. Ne merci bougez Jamali. Pas. Merci Jamali, tu peux lui rendre. Pas c'était, de c'était le cadeau flippant de la soirée, une écharpe magnifique de ce club parisien évidemment. Yes. Que l'on retrouve au Parc des Princes. Bon, maintenant Sopra, je crois qu'il est grand temps de passer au freestyle, non pas par téléphone. Yes. Là, ici dans le studio avec Ixa de Paris. Ça va bien Ixa? Ouais, ça va, de frais. Faites du bruit pour Ixa qui est là avec nous. Ouais. Merci, ça fait plaisir. Ixa, yes, Paris 13. Ouais, exactement. Bon, est-ce que tu es prêt à ambiancer la scène du 118? D'habitude, c'est freestyle ouais, par téléphone, je crois, mais. Je sais pas s'ils sont chauds en fait. Je pense que ça va le faire. Eh bah tiens, je te confie le micro pour aller ambiancer. Voici le freestyle. Ici en direct du 118, tu as 1:30 pour tout déchirer. Faites du bruit pour lui, s'il vous plaît. Ice. Naki. Ça arrive vite, 7-5 Paris, Naki. On est ensemble, qui est de la gare. Écoutez bien parce que je vais pas refaire des fois. C'est aussi simple. Ben. Y'a des cailles de poisse dans le fils. Même si t'es glacé, car je les vise. T'as raclé, j'ai les matelassés. On t'a froissé, tu veux faire la paix. Mon négro, je te connais, tu me connais. Écoutez-moi si je flanche dans la monnaie. Tu penses que les armes t'épargnent. Tu prends ton âme, dit qu'on repose en paix. Pareil que t'as braqué. Balai, couille grosso, je te balai. Ra. J'écris, je sens que Lucifer à l'oreille musicale. Je baisse tes frères avec le canon du fer, y'a du Uzi Khan. Je te viole ta daronne à la strousse canne. Le sang du Christ est dans le Graal. Je vagabonde, trouve-moi dans les fins fonds du wagon. J'occupe Marianne, sa république et ses colons. Grosso, j'ai fourniqué son jargon. Le préfet bouffe la chatte à mon avocat. Pose pas de questions, je te raconte pas de salade. Le brelique n'a pas de pulsation, son cardiaque. Il te refroidit, il faut droit après ta salade. Starfoula. Mes tatouages parlent tout seul, ainsi que mon cœur le jour du jugement devant le trompeur. Et tous ces PD ne rappent même pas son bon camouillé. Y'a qu'à donner leur deux chats. Ouais, 119, vous êtes là ou quoi? Ok, c'est X, arrive X, naqué, on est reparti ou pas? Ok. Bang. Bang. Ok. Bon. L'équipe dans la cuisine pour ce putain de bétail de Yankee. Les cuisines Paris, je fais plus du rap, moi je tyrannise. T'es dans le passé, avant Jésus-Christ, je te l'ai jugé. Mon rap illuminé, pragmatique, je pisse dans sa genèque. J'ai les indicateurs bloqués dans un grenier. Toutou, c'est payé, ça pas que je suis virus. Injecté par intraveineuse, je suis relouqué par le doré. Je vois des pyramides comme toi à grosse gorgée. Le bout de la bite est la clé, je vais le faire glisser dans sa voix. D'après ma position géographique, la street se trouve sous mes pieds. Tu vois, je suis dans l'allée des miracles. Cette année est prédit par l'oracle, j'ai des vergondés. Tachelet, laisse point à poil sous l'anorak. Les chaînes de guerre traquent les loups solitaires. On compte vos guerres graves, blindés comme les flammes de chez Lucifer. Wesh, ego, j'ai des visions assez mortières. J'ai plus, j'ai me péta. En plus, je suis du côté fêtard. Pour ça, faut que je pète un pétard. Pour que quand ça pète, je fais briller ces bâtards. Tout à qui de cafard, passe aux aveux dans un berlingot. Y'a trop de stars, pédé comme l'ours. Naki, Xarevich, 7-5, Paris, The Trek, Kevladia. Ixa, à l'instant en live, viens nous rejoindre, Ixa. Merci, faites du bruit. Faites du bruit pour lui. Ixa. Tiens, Ixa. Eh ben écoute, merci à toi. Un petit mot, on peut te retrouver sur le net. Tu as des sorties, il y a des choses qui se passent pour toi. Monsieur Ixa, vas-y, mon poteau. Exactement, ouais, on peut me retrouver sur le net. Vous tapez Ixa, c'est pas Xa, c'est Ixaa. Vous tapez sur YouTube et vous allez me trouver. Il n'y a pas de galère et de toute façon. Voilà quoi. Eh ben merci d'avoir été avec nous. En tout cas, quelques applaudissements encore pour Ixa qui nous a fait le freestyle ici. Merci, merci. Au 118. Exactement. C'est ce que je t'ai entendu dire pour la rime, le 119. Ouais, c'est pour moi. Bon, c'est pas grave, c'est un numéro en face. Rien de bien grave. Bravo Ixa en tout cas. Merci beaucoup, mon frérot. Je peux faire des petites dédicaces. Mais vas-y. On a un petit peu pris la tête. Donc, petite dédicace à Smokey, à ma petite famille, dédicace à Quai de la Gare, Mohal Vagabond, pique-nique de QDG, tout Quai de la Gare, tous les frérots qui m'écoutent et je sais qu'ils m'écoutent. Donc voilà, merci à Sopra. Eh ben bravo, une fois de plus, Ixa avec nous de Paris, qui était en freestyle. Et Sopra, à tes côtés, quelqu'un vient de nous rejoindre aussi. C'est installé juste à tes côtés, je pense qu'on peut l'applaudir aussi. C'est une jolie jeune fille. Bonsoir. Ah ben, elle s'appelle Siana, belle kick de ouf. Siana, j'ai eu la chance, mais t'es déjà venue dans Planète Rap, Siana. Ouais, dans le Planète Rap de Dinos. C'est ça, Dinos Punchline Novik. Et c'est vrai que la nana kick, c'est... vous connaissez ou pas? Est-ce que vous connaissez? Un petit peu. Je l'ai découvert sur le net. Voilà, c'est découvert. Explique-nous pourquoi elle est là dans ton Planète Rap. En fait, j'ai découvert sur le net, tu as vu, j'ai vu un clip, elle fait le tour du monde en faisant des morceaux, tu vois, des freestyles. Et en parlant de ça, il y en a un qui est sorti ce soir. Ce soir, ouais. Siana Alicante est disponible sur YouTube. Voilà. S-I-A-2-N-A. Je vous conseille d'aller le regarder. Yes. Donc voilà, j'ai kiffé. J'ai retweeté. Et j'ai dit à mes collègues, j'ai dit, putain, elle déchire et tout. Mes collègues m'ont dit, ben vas-y, si tu vraiment tu kiffes, vas-y, on fait tous les moyens, on contacte. Si elle peut venir à la tournée avec nous, c'est magnifique. Et elle a dit oui, donc on est super contents. Et bien voilà. Évidemment. Donc elle sera sur la tournée aussi avec toi. Yes. Elle sera présente sur la tournée. Oui, oui. Eh ben magnifique. Donc vous la verrez dès le 14 novembre. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que dès demain sur Skyrock, on va filer les places pour la tournée de Soprano dans la roulette. Ok. c'est les places à choper pour. Il y a beaucoup de dates hein, pour toi, Sopra. Ouais, une fois de plus, début le 14 novembre. Il faut que je fasse du sport là. Il faut que je sois musclé comme le frangin là. Comme Issa. Ah ouais, parce que là je suis pas. Mais on va tenir. Siana, est-ce que tu n'irais pas nous ambiancer toi aussi le 118? Ah, elle a une surprise. Est-ce que tu as une petite surprise pour les gens qui sont là et qui nous écoutent? Effectivement, j'ai une petite surprise. En fait, j'ai repris quelques mots ou la plupart de la tracklist de Soprano, de Cosmopolitani. Et donc, je vais freestyler sur Cosmo. Aïe. Voilà. Eh bien, on va découvrir ça maintenant en live, si tu veux bien. Vas-y. Pas de soucis. Allez, c'est parti. Faites du bruit pour Siana! Eh public, est-ce que vous allez bien ce soir? Je vais voir tout le monde debout ici. Tout le monde avec vous. Tout le monde les mains en l'air, s'il vous plaît. On saute. Hello, hey yo, quoi de neuf? Ça y est, je brûle les étapes. T'étais près du but, mais moi je t'en écarte. Quand je rentre en studio, je m'éclate. Et oui, les étapes, ils sont tous sous le choc. Ils se demandent tout ce que j'ai sous le froc. Car les rappeuses en France font des flops. Sache que je suis pas venu pour faire des potes. Pour moi, c'est les débuts, j'ai des preuves à faire. Beaucoup trop de débuts, je mets des preuves à terre. Je m'en vais sur la luna, je décolle de la terre. Chez nous, y'a pas de justice, on va régler nos affaires. Sopra, s'il te plaît. Pousse le volume à fond. Ce soir, les filles rappent comme les garçons. Et au passage, remets-nous des glaçons. On fais les danser, Siana, Siana, Siana, Siana. Fais les danser, Siana, Siana, Siana, Siana. Montre-leur qui tu es. Danse ce soir, oui c'est la folie. C'est souvent tard que vient la mélancolie. Je les mets à l'amende tout en restant poli. On se donne rendez-vous en Cosmopolitanie. Ok, leur fais l'effet d'une bombe. Si le rap est mort, je vais ouvrir sa tombe. Et puis je vais rapper jusqu'à l'hécatombe. Paraît que je suis la relève de cette rappeuse de l'Essonne. Monsieur, madame, Smith or Wesson. La French Queen, c'est comme ça qu'on m'appelle. Big up à Sopra, le French Prince de Marseille. Yeah. Vite me porte du Philippe plein. Clouer leur le mec avec leur paire de Louboutin. Ils vont tous à la salle, mais on dépeque de lui. Pas après avoir vu tout ton nom, ils viennent manger tout ton pain. Au stop. Tiamo, même pas un peu, mi hermano, mi hermana. Sur ces quelques notes de piano, un salam de la part de Siana. Tiamo, même pas un peu, mi hermana, mi hermano. Sur ces quelques notes de piano, un gros big up à Soprano. Fais les danser, Siana, Siana, Siana, Siana. Fais les danser, Siana, Siana, Siana, Siana. Montre-leur qui tu es. Tiamo, même pas un peu, mi hermano, mi hermana. Sur ces quelques notes de piano, un salam de la part de Siana. Tiamo, même pas un peu, mi hermana, mi hermano. Sur ces quelques notes de piano, un gros big up à Soprano. Siana, Siana, Siana, Siana. Tout le monde, Siana, Siana, Siana, Siana. Fais les danser, Siana, Siana, Siana, Siana. Tout le monde tape des mains s'il vous plaît. Est-ce que ça va Skyrock ce soir? Montre-leur qui tu es. Faites du bruit pour Siana s'il vous plaît. Faites un maximum de bruit pour Soprano et Cosmopolitani s'il vous plaît. Attends deux secondes. J'ai rien entendu. Ça fait Siana, Siana, Siana, Siana. Fais-les danser. Siana, Siana, Siana, Siana. Fais-les danser. Siana, Siana, Siana, Siana. Fais-les danser. Siana, Siana, Siana, Siana. Montre-leur qui tu es. Merci beaucoup. Elle s'appelle Siana et elle sera sur la tournée de Sopra. Elle a son clip. Tiens, prends bien ce micro, Sopra, ouais. Elle a son clip qui est sur YouTube, vous pouvez voir ça. Ça va? Siana, c'était sportif, c'était merveilleux. C'est pas facile de le faire sur ce morceau. C'est pas facile, ouais. Il est très rapide, il est très technique. Et en tant que tu vas t'en tourner avec Sopra, qu'est-ce qui se passe aussi? Assieds-toi, Siana, assieds-toi. Tu vas pas nous quitter comme ça. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Il y a des sorties aussi prochaines? Je prépare un EP actuellement qui sera disponible en février-mars. Je travaille dessus. Donc pour 2015, voilà. Voilà, pour 2015. Et en attendant, on va continuer sûrement les freestyles. On va balancer d'autres morceaux. Donc en fait, tu voyages partout. Donc là, c'était où le dernier? Tu étais où? À Alicante, en Espagne. Alicante, en Espagne, ouais. Voilà, on a fait la Chine, l'Inde, le Maghreb. Et à chaque fois, Russie. Tu poses un truc. Voilà, à chaque fois. Avec des références du pays. Trop fort. Et les prochaines destinations, tu sais un peu? C'est secret pour le moment. D'accord. On essaie de garder ça. Alors, on te suit où, Siana, pour avoir justement. Sur Twitter. SIA2NADWAYNA. Et pareil pour Facebook, Siana. Et partout. Pareil sur YouTube. partout. Et bah allez vous cliquer. Vous êtes les bienvenus. Allez suivre Sienna et puis vous la verrez en tournée donc avec Sopra. Avec Sopra. À partir du mois de novembre pour tellement de dates. Des dates de partout. Merci, applaudissements pour Sienna une fois de plus. Merci beaucoup. Merci. Sopra, l'heure est grave. Dis-moi. Bah c'est bientôt la fin de l'émission. Eh ouais, on arrive à la fin. Eh oui, malheureusement. C'est le dernier soir, hein, t'as vu ça? Ça me fait beaucoup de peine parce qu'on a passé quand même une super semaine. D'ailleurs, je tenais à te remercier. Tiens, je vais en profiter aussi pour remercier tous les gens qui ont bossé sur cette émission parce qu'il y en a eu aussi. Et voilà, il y a plein de gens qui sont autour de nous et c'est important de les dédicacer parce que ça s'est quand même mobilisé pour cette semaine. On croit que ça peut être simple d'arriver dans un endroit, de faire une émission, mais ça demande beaucoup, beaucoup de, voilà, de force, beaucoup d'envie. Et il y avait de l'envie en tout cas pour cette semaine. Yes. Et je tiens à remercier un petit peu tout le monde. Alors, l'équipe évidemment de Hostile, les gens qui nous ont accueillis ici. Alors, j'espère que je prononce bien, c'est Mike Duyen. Yes. C'est ça? Damien, Jérémy, Kamal, Rim, Barbara, LBR qui était là aussi, qu'on salue, Gaëtan, Tony, évidemment William qui est dans le coin aussi, qu'on salue. Eh ouais. Christophe, le boss. On va saluer l'équipe d'Onipro, Zino, on te fait une dédicace. À Jamal, le salopard qui m'a arraché mon écharpe tout à l'heure, Jamal. À Mathieu, à Mathéo, pour l'équipe de Skyrock, évidemment JP qui était là-bas avec Idir. Le colonel Fabien était au contrôle, Vincent, Patoche, Marc, Christine, Dimitri, Laurent, toute l'équipe de Skyrock aussi. Fabuleux qui était à l'arrêt à Paris, Ameline, mon autre Fab qui était là aussi. Voilà, tous les gens qui ont bossé autour de cette émission, j'espère que j'oublie personne. Toute ton équipe aussi, on va saluer Zach, on va saluer Mej. Il y a Diego qui a fait le déplacement, qui est venu aussi. Diego, j'ai vu, il est où Diego? Il est dans le coin aussi, on peut le saluer. Voilà, tous les gens qui se sont mobilisés pour ce Planète Ram. Merci, bah tiens, je parlais de Christophe le boss, de William. Merci à vous, vraiment. On est là, bravo pour Thierry aussi. Applaudissez quand même aussi, parce qu'ils ont fait un sacré boulot. Yes. Tu veux faire des dédicaces, Yana? Oui, s'il te plaît. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes deux producteurs qui ont cru en moi depuis le début. Un gros big up à toute ma ville, à Fanco qui m'a accompagné ce soir, à Buna aussi, à la famille Ao, tout le monde, la famille Douiri, tous ceux de Beauvais qui me soutiennent, merci beaucoup. Et tous ceux partout en France, merci beaucoup. Et ben, à très bientôt avec Sopra sur scène. Je pense en tout cas, Sopra, qu'avant de se quitter, ici en direct du 118, je pense qu'il faut quand même qu'on finisse sur un live, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Non, t'as pas envie? Moi je suis au paix. Voilà, c'est tu vois la nostalgie aussi, ouais, c'est la fin, tu vois. Ouais. C'était cool, on était bien avec tout le monde, tu vois, mais voilà. Ouais. Peut-être qu'on va continuer l'émission ce soir ici, hein, après, même si on raccroche avec D-Fool. Nous on fait une émission pendant 3 heures encore, on peut, hein. Ben ça va. Ben vas-y alors. Je plaisante, on va rentrer se coucher, c'est vendredi, ça va pas ou quoi? On part en week-end, faut quand même pas déconner, quoi. Non, mais avant de se quitter, sérieusement, avant de se quitter, Sopra, moi je verrais bien, tiens, justement, avec un peu ce côté mélancolie, mais en même temps, un morceau qui va de l'avant et qui annonce d'ailleurs Cosmopolitanie, puisque c'est le morceau qui ouvre l'album. On se fait préface. Est-ce que ça vous dirait préface en live? Oui. Bah, c'est la première fois, alors soyez. Ah oui, tu l'as jamais fait. Non, on va essayer. On va mettre les morceaux qu'il faut. Vous connaissez le morceau aussi ou pas? Au premier rang, ça va souffler, Sopra, je suis sûr. Ben ça va. Si jamais t'as un trou, je pense que ça va être vite rétabli. Ok, on va essayer de finir en beauté. En tout cas, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Ce côté-là, vous étiez bouillant comme d'habitude. Ce côté-là aussi. Il y a des gens qui sont venus de très très très très loin. Il y en a, ils viennent de plein d'autres endroits. Donc merci à vous tous. DJ Meuge. Le live dans Planète Rap. Un peu. Yeah. Un. Avant de commencer l'album, Mej, tu peux mettre un peu de l'encens? Yes. Nico, tu peux monter un peu ma voix? Ok. Yeah. Que Dieu pardonne mes écarts, mes excès, mes manquements. Mes yo-yo dans la prière, mes péchés, mes battements. Cœur pour la musique, pour la chair, pour l'argent. Qu'il accepte mon repenti avant le dernier jugement. Qu'il me donne le courage pour combattre mes ciments. Qu'il me donne le courage pour combattre mes ciments. Pour up. Là j'ai besoin de votre force pour pouvoir le faire. Parce qu'il y a beaucoup d'émotions sur ce morceau. Je veux voir tout le monde les deux bras en l'air, s'il vous plaît. Tout le monde les deux bras en l'air. DJ Mesh, tu peux renvoyer le beat. Tout le monde tape des mains avec nous. Yeah. Est-ce que vous êtes là ou pas? Yeah. Oh, ça me fait plaisir. Yeah. Que Dieu pardonne mes écarts, mes excès, mes manquements. Mes yo-yo dans la prière, mes péchés, mes battements. Cœur pour la musique, pour la chair, pour l'argent. Qui me donne l'endurance pour pas combattre mes démons. Qui me donne l'endurance pour combattre mes démons. Qui me donne la patience quand je traverse le mauvais temps. Qui me donne le courage, la force et le ciment. Pour bâtir à mes enfants le bunker d'un régiment. Où je rappe depuis mes 15 ans. La chanson m'a évité la prison. Une pensée pour Papou, on t'attend à la maison. Les brossés, les décès, la vie nous a bien baisés. Mais la vie c'est comme le rugby là. Donc j'essaie, même blessé par les mauvaises relations. À force de tous ces couteaux, j'ai le dos d'un hérisson. Mais t'inquiète, j'ai grandi. Je ne suis pas de ceux qui se vengent, mais plutôt de ceux qui croient en Dieu. Je vais partir en improvisation pour vous dire merci à tous ceux qui sont là depuis tellement d'années. Soprano Baba toujours en train de rappeler pour les condamnés. Je vais essayer de lâcher ce que j'ai dans le cœur. Essayer de construire pour mes enfants un gros bunker. Pour pouvoir leur donner un avenir meilleur. Rien à foutre de te rap puriste. Je suis là avec mon flow, avec ma couleur de peau. Si tu aimes ou tu aimes pas, c'est pas grave. Je suis là pour représenter, je suis loin de ces clashs. Je suis là pour être moi-même, pour essayer de représenter à ma manière et de foutre le système. Je suis là avec mes gars depuis tellement d'années. On est toujours là en train de ramener de la bonne vibe pour les mecs qui sont là en train de chanter. Qui sont en train de rapper, qui sont en train de représenter, en train de rêver. Je suis là pour vous et je le serai jusqu'à la fin de ma vie. Je suis là pour essayer de te montrer comment j'arrive avec un flow qui représente ma ville. Marseille, Marseille, Marseille, Marseille. Soprano Baba, toujours unique comme dans son genre, dans son style. Regarde un peu comment je représente à chaque fois avec les anciens de Austin, William et toute l'équipe. Soprano toujours en train de rapper, lâcher de la bonne vibe. Si t'es pas fou, tu te rappelles que j'étais là à l'époque de Tribe Cold Quest, pour les mecs qui viennent du sud-est. Soprano Baba toujours en train de te montrer un peu comment je reste modeste. J'essaye de rester simple pour pas salir ma religion ou l'éducation de mes parents. J'essaie d'être moi-même, je suis pas là que pour l'argent. Je suis là simplement pour donner un truc dément, un truc de fou. Soprano Baba toujours en train de rappeler comme un malade. Dédicacé à mon gars des égalades, Monsieur Jamali, qui est là depuis le début. Pour tous ceux qui m'ont démoli, dites-moi bien que je suis toujours debout. Je suis toujours là en train de rapper avec la rage comme si j'avais 17 ans. Fais pas le malade avant que je te casse les dents avec des rimes faciles. T'es fou quoi? Avec des rimes hostiles. Soprano Baba toujours en train de lâcher de la vibe. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Je représente à la vie, à la mort ce que je suis. Restez vous-même au maximum, rêvez au maximum. Donnez ce que vous avez dans le cœur au maximum. Le présent c'est le plus important. Merci à vous, merci à vous, merci à vous. Merci, merci, merci, merci. Bra DJ Mesh, psychiatre, psychiatre, Sia, pense à toi mon frère. À tous ceux qui nous soutiennent depuis tellement d'années. Merci à vous, Comoria représente. Merci. Aïe. Ciao. Soprano, à l'instant, dans Planète Rap, ça a fini en impro en fait. Et je crois que c'est parti en vrille comme d'habitude. Regarde. Merci. Sopra, parmi tous les remerciements, il y en a un que je voulais faire aussi. En dernier pour toi, merci sincèrement pour cette semaine. On a cool. passé un super moment. C'est toi cool. en plus qui est voilà qui a l'initiative de tout ça. Donc voilà, on a c'est passé cool. un super moment. Merci évidemment à vous tous d'être venus, ceux qui sont venus et revenus chaque soir, ceux qui nous ont écoutés dans la France entière. Le Planète Rap de Sopra s'achève maintenant. L'album est dans les bacs lundi. J'avoue, je suis out avec la promo qu'on a fait. Mais je remercie toutes les gens qui sont venus. Siana. Merci à toi Sopra. Kaina. DJ Mej, Les psychiatres, Zao, et Fred Savio, dédicace, Joe Rafa, LNT, Ousni, Medellin. Voilà. Et on va rappeler qu'avant la sortie ce week-end, si vous voulez écouter l'album de Sopra, il y a 7 titres en exclu sur Spotify, excuse-moi avec l'accent, Spotify. Il y a Préface, il y a Clown, il y a Tiamo, il y a Mélancolie, il y a Cosmo. Ils nous connaissent pas, French Prince. Je remercie aussi Victor Swan et Brian qui sont les gagnants du jeu Drive Club. Drive Club, d'ailleurs, il y en a un aussi pour XA, on va lui filer le jeu sur PS4. Hein, bravo à Seb, merci à toi Seb. Merci à Momo qui était là, j'ai pas salué Momo, mais Momo il est dans le coin aussi, il est là Momo. Momo, faut vite que tu cours pour la radio libre. Momo qui se fait brancher sur les jeux vidéo. Et une fois de plus, merci à vous tous. J'ai envie de vous applaudir, bravo. C'était un super moment qu'on a vécu. On va remercier toute l'équipe de Sécu avec Lucrèce et tout le monde de Sécu avec nous tous les soirs. Yes. Merci. Je crois que j'ai oublié personne. Christophe, peut-être, qui était à la régie. C'est Christophe, un soir, qui était à la régie. On a eu Tony. Christophe et Tony. Tony, il y a eu deux personnes cette semaine. Ouais. Et je crois que j'ai oublié personne. Si j'en ai oublié, je suis vraiment, vraiment désolé. Mais on a passé une superbe semaine. Et merci une fois de plus à Sopra, qu'on peut applaudir très fort. Bravo, Sopra. Merci. Bon, désolé pour la fatigue, je suis out, mais bon, bah, on est là, on garde le sourire. Il y a la frangine qui est là, elle donne la force. Et on juste, je veux rajouter le 20 mars au Zénith de Paris et le 3 avril au Dôme de Marseille. Donc, venez faire la fête avec nous. Et puis, plein d'autres dates. Il va envoyer la sauce, on va tous s'amuser. Voilà. C'est lundi dans les bas cosmopolitanes. Merci à vous tous. On va se reconnecter avec la rue Grenetta où se trouve Difool et toute l'équipe. Et connecté. Oui. Ça y est. Oui. On est là. Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit pour Difool? Oh, c'est gentil. Voilà. Merci, merci le beauté. Public. Le public de Sopra et de Fredo, il est super. Merci à vous, en tout cas. Merci Sopra pour cette belle semaine. Je suis cassé, les gars. Là, j'avoue. Je suis. Écoute, on va donner un peu de. Mais attends, franchement. Le public, voilà, il me donne de la force depuis tellement d'années. Tu vas dans les réseaux sociaux, tu vas dans les franchement, ils assurent. Franchement, c'est magnifique. On va te donner un peu de force, Sopra, écoute. Ça va mieux là tout de suite. Hein. Alors, attends, qu'il l'a fait ou pas? On va gigoter un peu là. Il l'a fait ou pas? Toujours pas. Romano, non, il te le prépare pour ta prochaine visite. Tu reviens nous voir très vite dans la Radio Libre et on aura une surprise pour toi. Mais on va démarrer la Radio Libre avec toi, Sopra, pour bien terminer cette semaine et le Fresh Prince. Yes, le clip. Il est bien le clip, hein, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais, je l'ai vu, il est canon. On a rigolé. J'ai dansé devant mon écran. C'est bien, Marie. J'espère que tu danses mieux que Fred quand même. C'est le but. Écoute, je ne sais pas. Mais on a des chorégraphies en commun avec Marie. Hein. C'est vrai. Ouais, le lever de coude. Ouais, mais ne dis pas tout. C'est pour ça. Lever de coude, ils sont très bons tous les deux. Ah oui, ça c'est clair. C'est le meilleur. Je suis assez efficace aussi. Ouais, on est bon là-dedans. Fredo, on te retrouve à minuit tout à l'heure pour la nocturne de Planète Rap. Semaine prochaine dans Planète Rap. Et d'ailleurs, dans la nocturne tout à l'heure, il y aura beaucoup de Marseille. Et j'ai récupéré grâce à Zino un son de Puissance Nord. Aïe. Puissance Nord avec leur album Évasion qui sort. Voilà. Qui sort l'année prochaine, en début d'année. Et un morceau qui s'appelle Aveuglé. Aveuglé par la fumée du shit. Bon, tu gardes ça en stock, Fredo, pour nous. Hein. Tout à l'heure à minuit, la nocturne. Semaine prochaine dans Planète Rap, 20h-21h. Le retour. Une dédicace à Révolution Urbaine. De Fredo. À monsieur REDK. Bravo. Merci, Sopra. L'iPhone 6, un petit conseil, lundi matin dans le morning. Et voilà. Lundi matin dans le morning. On est trop les bourbons. Il y en a deux tous les matins. Il y a Naïma, il y a Sakina. iPhone 6. Ah, il y en a toute la semaine. Morning, lundi matin, il y en a deux. Merci à vous. Et puis Fresh Prince tout de suite sur Skyrock. Le son de Sopra pour bien terminer la semaine de Planète Rap. Bonne idée. Et bien pour commencer la soirée de Radio Libre. C'est parti jusqu'à minuit. Bravo. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. On arrive tout de suite.